Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Imaginez un rendez-vous chez le médecin, au cours duquel vous vous préparez au pire. Quand le médecin entre dans le bureau, radio en main, et vous annonce que vous êtes en parfaite santé, c'est votre conception de l'existence en général qui change du tout au tout. Comment apprendre à vivre sans être rongé par l'idée de la mort? Peut-on et comment se prépare-t-on à mourir? C'est la question qui hante les pensées de Marc Aurèle et à laquelle nous avons 50 longues minutes pour répondre. Mr. Sachs, I'm afraid the news is not good. If I can show you exactly where the tumor is and why we feel that surgery would be of no use. Vous voyez, c'est fini. Ceci a grossi de façon rapide. C'est le face à face avec l'éternité. Sans avoir été détecté par votre... Pas demain, là, maintenant. J'ai tellement peur que je peux plus bouger, je peux plus parler, je peux plus respirer. Bon, tout va très bien. Il n'y a absolument rien sur ces radios. Et vos examens sont bons. Vous m'en voyez soulagé. Mais comment ça, tu plaques tout? Pourquoi? On t'a rien trouvé? Tu n'as pas de cancer, de saloperie? Mais est-ce que tu te rends compte que nous tenons tous par un fil? Mickey, tu n'as plus de fil à la patte, tu devrais faire la fête. Mais est-ce que tu comprends à quel point tout est dépourvu de sens? Tout ce dont je parle en ce moment, là, nos vies, les missions, le monde entier est dépourvu de sens. Oui, mais tu n'es pas mourant. Non, pas maintenant, là. Mais tu sais, tiens, quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais tellement fou de joie de savoir que j'allais parfaitement bien que je courais dans la rue. Et soudain, je suis resté sur place. Je venais de comprendre. Bon, c'est vrai, je partirai pas aujourd'hui, je vais bien. Je partirai pas demain non plus. Mais un jour, de toute façon, je me retrouverai dans cette situation. Tu te rends compte de ça seulement maintenant? Mais non, pas maintenant. Je le sais depuis toujours. Mais tu sais, je me suis arrangé pour repousser cette idée parce que c'est vraiment horrible de penser à ça. Ça t'ôte pas le plaisir des choses, quoi. Non, mais c'est vrai, tu mourras, je mourrai. Le public va mourir, la chaîne va mourir, les sponsors. Enfin, tout le monde. Je sais, ton hamster aussi. Ouais, c'est ça. A howling wind is whistling in the night. One dog is growling in the dark. Something's pulling me outside. To ride around in circles. I know you have got the time. 'Cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. In the Death Car, en compagnie d'Iggy Pop, de Goran Bregovic et de Woody Allen, qui a ouvert cette émission. Bonjour à vous, Jean-Baptiste Gourina. bonjour. Bienvenue sur les Merci. Chemins de la philosophie. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur du centre Léon Robin à Sorbonne Université, spécialiste de la philosophie stoïcienne. Et c'est avec vous que nous allons essayer de répondre à ces difficiles questions de savoir comment et peut-on se préparer à mourir. C'est jamais chose facile que de parler de la mort. Est-ce que Marc Aurèle nous... facilite la tâche? Ah, facilite la tâche, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'il en parle beaucoup. Même le fait que ses pensées se terminent sur une méditation sur la mort et sur l'idée qu'il faut partir en paix. Et en fait, il était... Alors, on ne peut pas dire qu'il était obsédé par la mort, mais c'est vrai que la mort est omniprésente dans une grande partie de ses pensées. Et pour l'expliquer, d'ailleurs, il faut dire qu'elles ont probablement été écrites en grande partie pendant ses campagnes militaires, puisqu'il était empereur, mais qu'il a fait beaucoup de campagnes militaires. Et... Donc il avait le sentiment de la mort imminente et il était entouré par la mort. C'est pas tellement une question d'âge, même si souvent il se dit vieillissant. Bon, probablement quand il écrit les pensées, il a une cinquantaine d'années. Il va mourir à 60 ans. Donc il les écrit dans cette période, entre la cinquantaine et l'année de sa mort. Et on ne sait pas exactement trop quand, à part les livres 2 et 3. Mais on voit qu'il y a cette présence de la mort. Alors dans les livres 2 et 3, c'est très clair, parce qu'on sait que très clairement que ça a été écrit au bord du Danube pendant les campagnes contre les Germains, et donc que la mort est omniprésente. Il décrit souvent des cadavres découpés en morceaux et ce genre de choses qui lui ramènent en permanence l'idée de la mort. Et ensuite, il y a un deuxième aspect. aspect, effectivement, qui est le sentiment du temps qui passe, le sentiment du vieillissement et le sentiment d'avoir vu la mort autour de lui. Et ça correspond alors aussi à une idée très répandue chez les philosophes dont on trouve la formulation déjà chez Platon, que la philosophie est un apprentissage de la mort, c'est une manière de se préparer à la mort, et c'est particulièrement important pour ce qu'on appelle les philosophies hellénistiques, c'est-à-dire les philosophies après l'âge classique de Platon et d'Aristote, parce que ce sont des philosophies qui ont une conception matérielle de l'âme, c'est-à-dire qu'elles ne pensent pas que l'âme est une entité incorporelle qui va survivre, mais au contraire, ce sont des philosophies qui pensent que l'âme va disparaître avec le corps. Alors, avec quelques exceptions, si on peut avoir une âme qui survit quelque temps, si elle est particulièrement résistante, elle peut survivre à la séparation du corps, mais dans la plupart des cas, elle ne pense que l'âme va disparaître avec l'homme. Et donc, vous avez donc il y a toute une réflexion qui s'établit. Notamment en essayant de ramener la mort à sa réalité physique, c'est-à-dire une dissolution du corps. Et l'un des arguments, qui est d'ailleurs commun aux épicuriens et aux stoïciens, est que dans la mesure où nous allons avec la mort perdre toute sensibilité, finalement, la mort n'est rien pour nous, parce que une fois que nous serons morts, nous ne serons plus rien. Mais alors, ne souffrirons pas. C'est ça qu'on va voir, c'est que les arguments sont imparables, et pourtant, quiconque lit ce livre, et même Marc Aurèle lui-même en rédigeant ses pensées, n'est pas dénué de toute forme de peur. C'est bien parce que lui-même a peur qu'il écrit cela. Oui. Alors il faut se préparer. Effectivement, c'est parce qu'il y a une peur de la mort. Alors, on ne sent pas trop, en fait, je trouve, quand on lit Marc Aurèle, justement, cette peur de la mort. Mais il en parle tout le temps. Il en parle tout le temps, mais c'est un sentiment. C'est un sentiment de la mort, un sentiment de la mortalité. Et ça n'est pas le sentiment qu'on a entendu dans l'extrait de Woody Allen. C'est-à-dire que la mort, ce n'est pas la mort qui supprime tout sens à la vie. Au contraire, je dirais d'une certaine manière, puisque la grande idée, c'est justement que nous allons retourner à ce que nous sommes, c'est-à-dire une matière qui est une partie de l'univers, et que ce qui reste finalement, c'est l'univers, et c'est lui qui a véritablement un sens, plutôt que nos existences à nous. On a un long chemin à parcourir ensemble, hein, Jean-Baptiste Gorina. Ce matin, on va commencer. La première étape va être d'essayer de comprendre pourquoi il ne faut pas craindre la mort. La parole est à Marc Aurèle, dans la voix de Jacques Gamblin, qui nous explique que la mort n'est rien d'autre qu'un effet, comme un autre, de la nature. Comme tout disparaît vite, les corps eux-mêmes dans le monde, et dans une longue durée, les souvenirs de ce que sont toutes les choses sensibles, et particulièrement de celles que le plaisir rend attrayantes, la peine redoutable ou la vanité célèbre. Il appartient à la pensée d'établir combien elles sont vulgaires, méprisables, sordides, corruptibles et sans vie. Qui sont-ils, ceux dont les jugements et les paroles créent la renommée? Et mourir, qu'est-ce? Si l'on voit la chose toute seule, si par l'abstraction de la pensée, on en sépare tout ce qu'on imagine en elle, on ne verra dans la mort rien de plus qu'un effet de la nature. Or, il est puéril de craindre un effet de la nature. Mais ce n'est pas seulement un effet de la nature, c'est aussi une chose qui lui est utile. La mort est un effet de la nature ainsi qu'une chose qui lui est utile. C'est sur France Culture, les chemins de la philosophie, que vous apprenez cette chose essentielle pour continuer à vivre. Nous parlons de Marc Aurèle cette semaine, des pensées pour moi-même et aujourd'hui de la mort. Dans ce texte, peut-on se préparer à mourir en compagnie du philosophe Jean-Baptiste Gorina? En quel sens la mort est-elle utile à la nature? Commençons par ça. Si je peux juste d'abord souligner quelque chose sur ce qu'on vient d'entendre. En fait, il y a une remarque très intéressante que fait Marc Aurèle, c'est qu'il faut faire abstraction de tout ce qu'on imagine autour de la mort. Et donc, il dit que par rapport à ça, il faut plutôt ramener justement la mort à sa réalité physique. Et l'idée que la mort est utile est en réalité à prendre justement dans cette perspective d'une réalité purement physique. C'est-à-dire que nous sommes dans un univers où tout se recycle finalement, et il y a un grand cycle de la vie, et la mort est utile parce que elle fait ensuite tout ce qui va disparaître dans la mort va être recyclé, va réapparaître, et donc c'est une espèce de cycle éternel de la vie et de la mort. Et l'idée d'une utilité, au fond, c'est un peu, je pense, l'idée qu'on ne peut pas avoir d'expansion à l'infini de la nature, du nombre des vivants, et que donc c'est utile finalement à faire de la place pour les autres. Donc c'est une perspective vraiment pas du tout individualiste, c'est une perspective très, très, très cosmique, effectivement, le point de vue de la nature, c'est-à-dire qu'au lieu de se placer de notre point de vue individuel, il faut se placer du point de vue de la nature. Mais personne n'a rien à redire à ça. Voilà. Simplement, ça n'a jamais réconforté personne. La mort n'est pas ma mort. Ça n'est pas le. Je crois que le but là n'est pas exactement de réconforter. C'est de ramener effectivement à une position réaliste sur ce qu'est la mort, parce que d'une certaine manière, on ne peut rien faire contre. Donc il faut faire avec et la considérer effectivement comme une réalité purement physique plutôt que comme une réalité morale. Alors je ne sais pas s'il faut parler vraiment de consolation parce que ça n'est pas exactement la perspective de Marc Aurèle. Ce qu'il faut plutôt, c'est essayer finalement de se réconcilier avec notre nature humaine et notre nature passagère, et donner un sens justement à sa vie, qui est de ne pas se limiter à sa propre vie, mais se replacer effectivement dans un phénomène universel. Ce qui implique sur soi un effort de transformation. Le terme est prononcé par Marc Aurèle, on y viendra dans un instant. D'abord, si on reste au premier degré de l'analyse stoïcienne de la mort, il faut rappeler certaines choses qui sont, vous parlez du phénomène moral de la mort qui n'est pas envisagé ici, qu'il faut d'abord envisager comme un phénomène physique. Pour les stoïciens, la mort n'est pas un mal. C'est ça qu'il faut dire. Oui, alors ça, c'est effectivement une chose importante. C'est un des thèmes fondamentaux du stoïcisme. C'est une distinction qu'ils appellent entre ce qu'ils appellent le bien et le mal, bon, et tout ce qu'ils considèrent comme indifférent. Et ils disent que tout ce qui ne peut nous faire que du bien ou ne peut que nous être utile est un bien. Tout ce qui ne peut nous faire que du mal, effectivement, ou nous être nuisible est un mal, et tout le reste est indifférent. Et donc, ils vont conclure qu'en réalité, il n'y a qu'une seule chose qui vraiment nous fait du bien et ne peut pas être prise en plusieurs sens. En réalité, c'est la vertu. Donc, c'est une position extrêmement moraliste, extrêmement rigoureuse. Et à partir de là, ils vont dire qu'il y a quand même, alors, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même dire qu'il y a des choses qui sont préférables, et c'est-à-dire des choses qui vont dans le sens de la vie, vont dans le sens de la nature, vont dans le sens de la conservation et du développement de soi, et qui sont préférables. Et donc ils disent, une fois qu'ils ont exposer ce point de vue très rigoriste, que il y a des choses qui sont préférables à d'autres. Donc la santé est préférable à la maladie, la richesse à la pauvreté, la vie à la mort. Et donc la mort n'est pas véritablement un mal, mais c'est évidemment quelque chose que personne ne va choisir. Mais pour autant, c'est quelque chose qu'on ne va rechercher, mais pour autant, c'est quelque chose qui est inévitable. Et ils essayent de faire avec cette donnée que la mort est inévitable. Et évidemment, vous avez plusieurs façons de lutter contre cette idée ou contre le désespoir qu'elle peut causer. Et l'une de ces façons, évidemment, est de penser qu'il y a une survie après la mort, ce que pensent un certain nombre de philosophes. Mais les stoïciens, comme les épicuriens, ne font pas partie de ceux qui pensent qu'il y a une survie après la mort. Et donc on ne peut pas trouver de consolation là-dedans. C'est une réalité extrêmement brutale à laquelle nous sommes tous confrontés et à laquelle il faut par conséquent se préparer, parce qu'il y a effectivement cette dimension perpétuelle chez les stoïciens de préparation. Par exemple, préparation à la souffrance. Ils disent que, ils considèrent que, par exemple, si vous perdez quelqu'un de cher, si vous avez une perte, si vous perdez vos biens, si vous êtes malade, etc. Et si vous n'êtes pas préparé à ces choses qui donc ne sont pas strictement parlées des mots, mais dont ils sont bien d'accord que ce sont des choses qu'il vaut mieux éviter, qui ne sont pas, font pas partie des préférables, si ça vous arrive sans que vous y soyez préparé, et sans que vous soyez préparé éventuellement à les accepter, vous allez souffrir. Et il vaut justement, ce qu'ils veulent, c'est éviter cette souffrance, d'où cette préparation à la mort. Et la préparation passe par le travail philosophique ? Le travail philosophique sur la réalité de ce que c'est. Alors, et la confrontation avec l'idée que c'est inévitable et que on ne peut pas croire que on va survivre, que l'âme va survivre à la mort. Ça veut dire quand même que l'homme a un moyen d'action, non pas sur la vie et sur la mort, enfin sur la mort, car sur la vie, si, il peut procréer, évidemment, mais sur sa propre conception de l'existence, ça c'est sur très important. Sur sa propre conception de l'existence. Sur son jugement. Sur son jugement, voilà. Et pour essayer de justement de se défaire de l'angoisse et de là, se défaire de la souffrance. Là, il y a un lieu de non-nécessité, puisqu'il peut travailler sur la manière dont il conçoit la mort. Il peut travailler là-dessus, puisque une des dimensions essentielles du stoïcisme, c'est l'idée que nos passions, nos émotions en général, nos angoisses, nos souffrances sont mentales et qu'elles viennent essentiellement des représentations que nous nous en faisons et de l'idée que nous acceptons qu'un certain nombre de choses sont mauvaises ou sont bonnes alors qu'elles ne sont qu'en réalité elles ne sont pas vraiment mauvaises ou qu'elles ne sont pas vraiment bonnes mais qu'elles sont indifférentes. Généralement, ils veulent justement se placer du point de vue pour dire qu'elles ne sont aussi ni bonnes ni mauvaises, il faut se placer du point de vue de la nature ou du point de vue de l'univers plutôt que du point de vue de l'individu. Alors la mort devient un indifférent non préférable. Voilà, c'est ça. Si on la range dans des cases. Oui, c'est pas quelque chose qu'on doit en revanche rechercher. Ça, c'est très clair. Il y a des passages, pas chez Marc Aurèle d'ailleurs, mais chez Épictète, où on trouvait des adeptes de philosophie qui persuadaient que, en réalité, le corps était un tombeau dont il fallait se séparer parce que seule l'âme était la meilleure partie de nous-mêmes et que donc il fallait le plus vite possible mourir pour échapper au corps et ne plus être qu'une âme. Et ça, c'est quelque chose contre laquelle les stoïciens sont vigoureusement opposés. Pas tous, si. On trouve des textes en faveur du suicide dans certains stoïciens. Alors ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, le suicide, mais pas le suicide pour des raisons idéologiques ou pas le suicide avec l'idée que la mort serait un bien parce qu'elle nous sépare du corps. C'est en revanche, c'est toujours dans cette perspective, effectivement, de la conformité à la nature. C'est-à-dire qu'il y a, dans un certain nombre de circonstances, qui sont soit personnelles, soit, par exemple, qui peuvent être les circonstances politiques, qui peuvent nous conduire à, ou ça peut être la guerre aussi bien, mais qui peuvent nous conduire à accepter la mort. Et une des circonstances dans lesquelles, par exemple, on peut accepter, les stoïciens considèrent que le suicide ou la mort volontaire est acceptable, c'est la maladie incurable. C'est-à-dire que ce sont des cas où il est accepté par les stoïciens que l'on puisse vouloir mettre fin à ses jours quand en fait la vie est devenue quelque chose qui en quelque sorte ne fonctionne plus. Et il y a d'autres cas qui sont les situations politiques extrêmes. Les cas les plus célèbres sont des cas romains. Donc des cas que Marc Aurèle connaissait bien, qui sont par exemple Caton d'Utique, qui était un des grands opposants de César, et qui se donne volontairement la mort quand il voit que César est en train de prendre le pouvoir, de devenir un espèce de roi, et que la République est perdue. Et donc il ne veut pas continuer à vivre dans une Rome qui ne serait plus sous le régime républicain. Et après, évidemment, on a Sénèque, qui est une des grandes figures des stoïcismes, mais qui était aussi le ministre de Néron, et que Néron a condamné à se suicider. En fait, il lui a demandé de mettre fin à ses jours, et donc Sénèque le fait volontairement dans une mort qui essaye de reproduire certains des traits. D'ailleurs, c'est très intéressant quand on voit les récits de la mort de Sénèque. Il essaye de reproduire certains des circonstances de la mort de Caton. Et justement, il essaye de relire le Phédon de Platon, qui est un dialogue, le dialogue de Platon sur la mort avant de mourir, ce qui prouve qu'il y a un usage assez éclectique. Dans lequel Platon lui-même, Socrate lui-même s'apprête à boire la ciguë. Oui, dans lequel exactement Socrate s'applique à boire la ciguë, ce qui prouve qu'il y a un usage assez éclectique quand même des références philosophiques, puisqu'un stoïcien peut tout à fait mourir en lisant un texte qui n'est pas de sa propre école, mais un texte platonicien. Si on en arrive aux conséquences pratiques, mettre en œuvre ce que Marc Aurèle nous a conseillé de faire, à savoir changer notre conception de la mort et la considérer comme un simple effet de la nature, hein, quelque chose qui nous est indifférent même si on ne le préfère pas, les conséquences pratiques sont très claires. La première va être énoncée par Pierre Hadot, le philosophe spécialiste du stoïcisme, qui montre bien que finalement se préparer à mourir, c'est apprendre à vivre dans le présent. Que reste-t-il du présent dans ce cas ? Ça, Marc Aurèle nous répond. Et puis vous entendrez ensuite un extrait d'un film de Bruno Podalydès, Adieu Berthe, qui interroge la durée de la vie, puisque l'argument de Marc Aurèle, c'est de dire que courte ou longue, peu importe, la vie est la vie, quelle que soit sa durée. Ce que je trouve très intéressant dans l'exercice de la mort, c'est plutôt, justement, que c'est un exercice de la vie, c'est-à-dire que ce qui est très frappant dans Marc Aurèle, c'est cette idée que si vous vivez en pensant que cette journée sera la dernière, vous aurez une toute autre attitude vis-à-vis de tout ce que vous ferez. Mmh. Et alors, en fait, c'est pas possible de le réaliser tout le temps, mais de temps en temps, ça fait quand même pas de mal de le faire. C'est bien, c'est calme, ces petits vieux, ces petits oiseaux. C'est... Tiens, regarde, pendant que tu téléphonais, il y avait un petit mulot qui me regardait. Ah bon ? Oui, il était mignon, tout petit. Je suis là, Alex. Je suis là. Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? Rien. Attends, lève-toi. Quoi ? Oh là là ! Non ! Ah, bah dis donc. Le petit mulot. Ah, c'est le mulot, c'est ça ? Mais oui ! Tu l'as écrasé ! Bah, il est décédé ? Bah oui, il est décédé. Oh. On va lui faire une sépulture ? Hein, on va pas laisser comme ça, c'est trop triste, on va l'enterrer. D'accord ? Combien de temps de vie, Mulot, déjà ? Ah, 10 ans. Ah non, ça c'est le lama. 10 mois, il avait dit. Hein ? Il me semble 10 mois. Il a peut-être encore plusieurs beaux mois devant lui à vivre. Puis je t'en sais, il était peut-être complètement au bout du rouleau, dans une maison de retraite. Non. Allez, je creuse, moi. Non, on va l'incinérer. Petit mulot, adieu. Est-ce que, dans ces quelques mois que tu auras vécu, tu auras connu quand même les joies de l'amour d'un mulot ? Pendant 10 mois ? Ça sent vraiment très mauvais. Hein. Je savais pas que ça pouvait fouetter à ce point un mulot. On comprend que ce soit fait par des professionnels, ce genre de truc. D'ailleurs, on trouve dans les pensées de Marc Aurèle beaucoup de réflexions sur la puanteur des corps et des cadavres. Jean-Baptiste Gourinac est omniprésente. Alors ce petit mulot est parfait, si j'ose dire, en ce qui nous concerne, parce que c'est exactement ce qu'essaye de dire Marc Aurèle quant à la durée de la vie. 10 mois, 10 ans, peu importe, il n'y a pas de bon moment pour mourir, mais surtout, ce qui compte, ce n'est pas combien de temps nous vivons, mais ce que nous avons fait de notre vie. Ce que nous avons fait de notre vie, exactement. Et il y a une métaphore qui est très souvent employée par les stoïciens, qui est celle de la pièce de théâtre, où notre vie est comme une pièce de théâtre. Donc en gros, vous avez dans toute pièce de théâtre, vous avez 3 actes, et vous avez le début, le milieu et la fin, et la mort. Et de toute façon, vous n'éviterez pas de jouer les 3 actes. Il dit que c'est pas comme une pièce de théâtre, parce que dans la pièce de théâtre, il y a une vraie fin. Nous, l'interruption n'est jamais avant la fin. Il montre que c'est absurde de penser que quelqu'un est mort trop tôt. Trop tôt par rapport à quoi ? Ce serait penser que la vie est comme une pièce de théâtre avec un dernier acte qui n'a pas eu lieu. Mais le dernier acte, le dernier acte a toujours lieu en réalité. Et ce qu'il dit, c'est que nous avons chacun un rôle qui nous est donné par le metteur en scène, par l'auteur, et que nous devons en réalité le jouer le mieux possible. Et si c'est un rôle court, eh bien, il faut le jouer le mieux possible, ce rôle court. Et si c'est un rôle long, si c'est le rôle principal, si vous êtes en scène sur, pour toute la durée de la pièce, eh bien, vous devez aussi le jouer du mieux possible. Mais le fait que le rôle soit court ou soit long, donc que la vie soit courte ou soit longue, pour eux n'a pas d'importance, dans la mesure où ce qui compte effectivement, c'est de vivre chaque instant comme de la manière la plus parfaite possible et d'accomplir son rôle de la façon la plus parfaite possible. Et c'est exactement ce que l'on a entendu donc effectivement dans Pierre Hadot, résumant la pensée stoïcienne effectivement, et disant que l'important était de vivre chaque instant comme si c'était le dernier, c'est-à-dire comme si on allait devoir arrêter bientôt, et donc vivre le mieux possible ces derniers instants, et évidemment ne pas dire bon bah tant pis, je ferai mieux demain ou je vivrai mieux demain. Et là, ça a une résonance morale. Il y a des passages effectivement chez Marc Aurèle, notamment dans le premier livre, où il dit maintenant il n'y a plus le temps. Il dit notamment, c'est très étonnant, il dit il n'y a plus le temps de lire. Donc il faut vraiment agir. Et parce que la mort est là, la mort guette, et donc c'est vraiment le moment où il faut vivre correctement, et il ne faut pas remettre à demain le fait de vivre bien. Et ça correspond très certainement au fait que Marc Aurèle se sent contraint à ce moment-là de pratiquer de pratiquer vraiment la philosophie, pas simplement de faire de la théorie, de faire des lectures et ce genre de choses. Il dit souvent qu'il n'a pas le temps. Il dit même souvent, je n'ai pas le temps d'être véritablement un philosophe. Mais ce qu'il faut, c'est vivre de cette manière, vivre dans l'instant présent et ne pas se soucier de vouloir prolonger sa vie ou ne pas penser qu'on aura le temps de vivre mieux dans le futur, parce que c'est maintenant qu'il faut vivre bien, et que de ce point de vue-là, la durée de la vie humaine n'est pas une chose très importante, enfin n'est pas ce que l'on doit prendre en considération, parce que on ne sait jamais de toute façon combien de temps va durer la vie. C'est devenu un poncif, hein, vit oui, chaque instant comme si c'était le dernier, le carpe diem, etc. C'est un peu un poncif à l'époque aussi quand même. Voilà, mais quand il en parle, écoutons, et laissons-lui la parole, écoutons-le énoncer les arguments en faveur de cette vie au présent, même si lui-même le reconnaît, rien n'est plus difficile que de vivre dans le présent, et pour cause, le temps ne cesse de s'écouler. Écoutez la lecture de « Trois pensées » de Marc Aurèle par Jacques Gamblin. Jette donc tout, ne garde que ce peu de choses. Et encore, souviens-toi que chacun ne vit que dans l'instant présent, dans le moment. Le reste, c'est le passé ou un obscur avenir. Petite est donc l'étendue de la vie. Petit, le coin de terre où l'on vit. Petite, la plus longue renommée dans la postérité. Elle dépend de la succession de petits hommes qui vont mourir très vite et qui ne connaissent ni eux-mêmes, ni ceux qui sont morts il y a longtemps. De même que si un Dieu te disait « tu mourras demain » ou tout au plus « après-demain », tu n'attacheras pas grande importance à ce que ce soit « après-demain » plutôt que « demain ». Si du moins tu as quelque noblesse, car qu'est-ce que cet intervalle ? De même, ne pense pas qu'il soit important de mourir dans plusieurs années plutôt que demain. Secours vulgaire mais pourtant efficace pour mépriser la mort. Rappelez à sa mémoire tous ceux qui s'opiniâtrent à rester en vie. Qu'ont-ils de plus que ceux qui sont morts prématurément ? De toute manière, les voici maintenant gisant quelque part. Cadicianus, Fabius, Julien, Lépidus et pareils gens qui, après avoir fait partir tant d'hommes, sont partis à leur tour. Au total, c'est une courte durée. À travers combien d'événements, avec quels gens, dans quel corps s'épuisent-elles ? n'en fait donc pas une affaire. Regarde en arrière le gouffre du temps et en avant un autre infini. En lui, quelle différence entre 3 jours de vie et le triple de la durée de vie de Nestor. Nestor étant un personnage légendaire qui aurait vécu l'équivalent de 3 générations. Alors dans ses pensées, d'abord un mot sur le terme de pensée. Et à l'écoute de ce texte, la ressemblance est parfois troublante entre l'écriture de Marc Aurèle et le choix du vocabulaire et celle de Pascal, qui lui aussi est l'auteur de Pensée, donc de Blaise Pascal. Là, dans ce qu'on vient d'entendre, un regard en arrière, le gouffre du temps et en avant un autre infini. Le terme d'infini, on le retrouve en permanence chez Pascal. Certes, philosophe alors beaucoup plus tardif, et chrétien, ce qui change beaucoup la conception de l'existence et de la mort, quoique, mais sur ce lien et ces échos troublants entre les pensées de Marc Aurèle et de Pascal, qu'en dites-vous Jean-Baptiste Gourinot? Ah oui, effectivement, les pensées de Pascal ressemblent par beaucoup d'aspects aux pensées de Marc Aurèle. Elles ont d'ailleurs des points communs, même du point de vue de la rédaction. Ce sont des petits textes qui se suivent souvent sans ordre, les pensées, parce que Pascal n'y a pas mis ordre, et souvent chez Marc Aurèle, effectivement, il n'y a pas de lien d'une pensée à l'autre. Ce sont des textes qui sont souvent aussi courts que les pensées de Pascal. Et les pensées n'étaient pas prêtes quand Pascal est mort, évidemment, n'étaient pas prêtes pour la publication. Et chez Marc Aurèle, c'est encore mieux, c'est-à-dire que ça n'était même pas, semble-t-il, destiné à la publication. C'est-à-dire que ce sont des méditations qu'il écrit pour lui-même et qui ne sont pas destinées à être publiées. Alors qu'il écrit, d'ailleurs, ce qui est un exercice supplémentaire, qu'il écrit en grec alors que c'est un romain, donc sa langue maternelle quand même c'est le latin, mais il a été élevé en grande partie dans la langue grecque, comme beaucoup de romains cultivés de l'époque sans doute, mais c'est pas non plus naturel d'écrire en grec. Et s'il écrit en grec, c'est parce que c'est la langue de la philosophie, mais quand même c'est un exercice pour lui-même et qu'il se remémore. Il y a des exercices de remémoration, des exercices d'écriture, ce qui est toujours un petit peu difficile d'ailleurs à concevoir parce que en même temps c'est très écrit et c'est très littéraire, et donc on voit ce paradoxe de quelqu'un qui n'écrit pas pour être publié, qui écrit pour lui-même mais qui travaille beaucoup son style et qui travaille beaucoup son écriture. Ça fait partie certainement de l'exercice qu'il s'impose à lui-même, et c'est un espèce de dialogue avec lui-même par écrit. Il faut voir justement que c'est pas sans conséquence le fait que probablement, comme je le disais tout à l'heure, il écrit pendant les périodes de guerre, et donc probablement le soir à la veillée, ou peut-être le matin tôt, parce qu'il y a des exercices de méditation matinale, et donc c'est les moments où il est un peu tranquille par rapport à son métier d'empereur et de soldat, et où il est en dialogue avec lui-même de méditation philosophique, parce que il n'a pas d'autre interlocuteur aussi. Il n'est pas à la cour, il n'est pas entouré de courtisans et éventuellement de collègues philosophes. Il est là tout seul dans l'armée. Vous employez le terme d'exercice, oui, qui fait référence à l'expression de Pierre Hadot d'exercice spirituel, c'est ainsi que la philosophie se pratiquerait dans l'Antiquité. Et en effet, le terme, ou en tout cas la pratique même de l'exercice, se retrouve tout au long des pensées. On peut lire au livre 4, pensée 17, « Ne pas vivre comme si tu devais vivre 10 000 ans, la nécessité est suspendue sur toi. Tant que tu vis, tant que cela t'est permis, améliore-toi. » Là, c'est un exercice d'amélioration, c'est ce qui peut s'inscrire dans ce qu'on appelle le perfectionnisme moral, devenir, s'améliorer en permanence. Là, c'est un exercice au sens moral, oui, devenir la meilleure version de soi-même. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et c'est la même chose, finalement, pour cette présence constante de la mort, c'est-à-dire qu'il s'agit aussi de faire un exercice pour se préparer à la mort. Mais effectivement, vous disiez, donc vous faisiez allusion à cette expression de Pierre Hadot qui a parfois fait couler beaucoup d'encre. Il y a pas mal de spécialistes qui n'aiment pas trop, notamment la notion de spirituel et le fait que les exercices spirituels sont d'abord une pratique jésuite d'Ignace de Loyola. Bon, mais Quoi qu'il en soit, c'est une transcription assez fidèle du fait que les philosophes stoïciens décrivent la philosophie comme ce qu'ils appellent une askésis, donc ce qui a été traduit évidemment en français par ascèse, et qu'on peut traduire aussi bien par exercice. Et l'idée, c'est que, qui a été beaucoup défendue par Ado, c'est que la philosophie n'est pas purement une théorie. Il ne s'agit pas de construire des systèmes. Alors évidemment, les stoïciens dans l'Antiquité, c'est un peu paradoxal, parce que les stoïciens dans l'Antiquité sont les grands spécialistes de la construction de systèmes. Mais en même temps, c'est un système qui a une vocation à être mis en pratique et à être justement exercé. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de construire une vision de l'univers, il s'agit ensuite d'en tirer des conséquences, d'en tirer des applications pratiques et de s'exercer constamment par des remémorations, enfin à faire un exercice de préparation puis d'application de ces doctrines ou de ces dogmes philosophiques. En l'occurrence, s'améliorer, selon quels critères? En vue de quoi? Même vous aviez dit qu'il faut bien jouer son rôle d'homme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire autant que possible se détacher de toute une série de passions, notamment la colère, par exemple. Marc Aurèle est perpétuellement, c'est un empereur, donc il a perpétuellement des occasions de se mettre en colère, et donc il a perpétuellement des occasions de mépris. Par exemple, il pourrait mépriser beaucoup de gens, il pourrait mépriser le peuple, et il essaye de s'en garder. Justement, de se garder de ses tentations, aussi, il dit, ne prends garde de ne pas césariser, c'est-à-dire prendre garde de ne pas faire le César, c'est-à-dire l'empereur, et de garder ta simplicité. Mais donc, c'est des injonctions sociales. C'est des injonctions à lui-même. Oui, mais vis-à-vis du regard des autres. Vis-à-vis du regard des autres, vis-à-vis du comportement à l'égard des autres, qui n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se comporter, c'est pas parce qu'il en est empereur qu'il faut se comporter comme un empereur et mépriser ses concitoyens. C'est quelque chose que il applique en permanence, qu'il faut pas non plus se mettre en colère contre les courtisans. Et je faisais allusion tout à l'heure à ses méditations matinales. Il dit toujours, dis-toi que tu vas rencontrer toute une série de courtisans, d'importuns, de gens qui vont te solliciter, de gens qui vont t'ennuyer, de gens qui vont te contredire, etc. Donc prépare-toi à tout ça et surtout prépare-toi effectivement à ne pas leur répondre avec mépris, mais à les considérer en homme, à leur pardonner. Ça, c'est la définition qu'on se fait d'être stoïque. Oui, on peut dire que c'est être stoïque, mais ça aurait plusieurs aspects. C'est un aspect seulement, là, pour le coup, d'être stoïque, parce qu'il y a aussi, effectivement, ne pas désirer des richesses ou des choses comme ça, mais parce que même si ce sont des préférables, évidemment, il ne faut pas les désirer avec passion. Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'être stoïque, effectivement, bon, il y a aussi se préparer à toute une série d'événements fâcheux, et Marc Aurèle, en tant qu'empereur, a eu tout son lot d'événements fâcheux. Les historiens disent qu'au début de son règne, il a en plus, c'était un peu plus facile au début de son règne parce qu'il avait un co-empereur. Ils étaient deux. Et donc, il y avait Lucius Verus, qui était l'autre empereur, qui partait faire les campagnes militaires. Et Marc Aurèle, restait à Rome. Et les historiens disent, bon, alors, il pouvait passer du temps à méditer, à philosopher, etc. Ça n'a pas duré. Très vite, lui tombe sur la tête toute une série de catastrophes, notamment des crues du Tibre, absolument phénoménales, avec ce que ça a entraîné d'épidémies. Et donc, il faut voir Rome livrée à des flots, livrée à des inondations spectaculaires et aux maladies qui s'en suivent. Donc, ce sont déjà des espèces de catastrophes climatiques qui se passent à l'époque. Et très vite, il ne peut plus continuer à faire ce qu'il aurait voulu faire, continuer à philosopher, d'où l'importance pour lui de se conserver ces petits moments de méditation personnelle par écrit quand il est seul avec lui-même. Qui le conduisent à apprendre à mourir peut-être, à s'exercer à vivre pour ne plus craindre la mort. mais aussi à apprendre à, et peut-être que c'est un corollaire d'ailleurs, ou une condition pour se préparer à mourir, à apprendre à aimer le monde lui-même, ou en tout cas oui. ne pas vouloir le changer. On lit au livre 4, Pensée 23, « Tout me convient qui te convient, au monde. Rien n'est pour moi trop précoce ou trop tardif qui soit à point pour toi. Tout ce que produisent tes saisons, ô nature, est pour moi un fruit. Tout vient de toi, tout est en toi, tout revient à toi. » C'est comme une prière envers ce Dieu qu'est la nature. Il y a une forme d'acceptation totale qui est assez troublante, parce qu'accepter sa propre vie est une chose, accepter l'ordre établi dans son intégralité demande une grande sagesse. Alors, accepter l'ordre établi, l'ordre naturel, l'expression est ambiguë. Voilà, oui, c'est l'ordre naturel. Encore que, bon, il est tendance à accepter peut-être aussi l'ordre politique établi dont il est le garant en réalité, en tant qu'empereur. Mais effectivement, c'est une idée. Alors, il aime beaucoup. Il y a l'idée principale, si on doit résumer la doctrine stoïcienne d'un mot, c'est la façon dont ils décrivent la fin de la vie humaine, ce qu'on appelle le telos dans l'Antiquité, mais c'est vivre en conformité avec la nature. Et il y avait une ambiguïté chez les anciens stoïciens, c'est-à-dire qu'on ne savait jamais, donc les fondateurs de l'école à Athènes vers 300 avant Jésus-Christ, donc ça fait 4-5 siècles avant, 5-6 siècles avant Marc Aurèle. On ne savait pas si vivre en conformité avec la nature, c'était vivre en conformité avec la nature, ma nature d'homme, c'est-à-dire en conformité avec ma nature rationnelle. Et dans ce cas-là, ça voulait dire vivre le plus rationnellement possible et le plus vertueusement possible, ou vivre en conformité avec la nature de l'univers. Mmh. Et donc se mettre en conformité avec ce qu'il y a dans la nature de l'univers. Et l'idée, généralement, c'était qu'il fallait, en gros, vivre en accord avec les deux. Et que c'était ça la finalité de la philosophie stoïcienne. Et Marc Aurèle a une façon d'exprimer ça, qui est de dire que effectivement il faut que mettre ma nature en accord avec l'univers et avec la nature de l'univers, et accepter son destin, et qu'il faut surtout accepter de se conformer à la nature de l'univers. Mais alors là encore, si on fait des parallèles avec l'histoire de la philosophie et des philosophes plus tardifs, Nietzsche ne dit pas autre chose avec son idée de l'amor fati. Il dit « ma formule pour ce qu'il y a de grand dans l'homme est amor fati. Ne rien vouloir d'autre que ce qui est, ni devant soi, ni derrière soi, ni dans les siècles des siècles. Ne pas se contenter de supporter l'inéluctable et encore moins de se le dissimuler. Tout idéalisme est une manière de se mentir devant l'inéluctable, mais l'aimer. » Oui, tout à fait. Ce sont des formulations. Alors, je pense pas que Nietzsche y mette exactement les mêmes résonances que les stoïciens y mettent, mais ce sont tout à fait des formulations stoïciennes. D'ailleurs, vous avez un chapitre du livre de Hado sur Marc Aurèle qui s'intitule, enfin, une section de chapitre qui s'intitule Amor Fati, où il a repris cette formule nietzschéenne, qui est une formule pseudo-stoïcienne, parce que c'est écrit en latin, et donc ça ressemble effectivement à une formule qui aurait pu être écrite par un stoïcien. Mais je crois, je ne suis pas tout à fait sûr, mais je crois que Nietzsche l'a inventé. En tout cas, on ne la trouve pas, ce n'est pas une formule qu'on trouve dans les textes antiques. Et donc, effectivement, il y a tout à fait cette idée qu'il faut accepter ce qui, le lot ou le destin qui nous est imparti. Et il y a d'autres analogies qu'on pourrait faire avec Nietzsche, puisque l'une des fameuses doctrines de Nietzsche qui a des résonances aussi avec cette idée d'amor fati, évidemment, c'est la doctrine de l'éternel retour, qui au départ est une doctrine stoïcienne. C'est une doctrine, bon, héraclitéenne, mais c'est une doctrine stoïcienne qui est une doctrine cosmologique, qui dit que l'ordre de l'univers, à un certain moment, va revenir comme avant, va se reproduire à l'identique, et que tout dans l'univers va recommencer à l'identique. Et donc, il dit, par exemple, il y a des textes qui disent, vous aurez à nouveau un Socrate, vous aurez à nouveau un Platon, Socrate sera à nouveau condamné par Athènes, etc. Donc, l'idée, c'est que même les événements de l'histoire humaine, si vous voulez, c'est évidemment, au départ, c'est une idée cosmologique, c'est-à-dire que tous les jours, la Terre tourne autour du Soleil, et donc, ou le Soleil autour de la Terre, ça dépend pendant l'Antiquité. vérité, il y avait plusieurs versions de la chose, mais enfin, ça n'a pas trop d'importance. C'est l'idée qu'en tout cas, que le cosmos a des cycles et qu'il reproduit toujours le même mouvement. Et c'était appliqué à la nature et au destin des hommes, avec l'idée que tout se reproduisait exactement à l'identique. Alors, ça a des conséquences, évidemment, parce que si vous dites que tout recommence toujours à l'identique au bout de quelques milliers d'années, ça veut dire aussi que tout est déterminé, qu'il n'y a pas de marge de manœuvre individuelle, c'est-à-dire que tout se produit de la même manière. Et c'est ça qu'il faut aussi être prêt à accepter dans l'univers stoïcien. C'est pas la moindre des difficultés. Non, il nous reste le temps pour encore un texte, Jean-Baptiste Gorina, un texte magnifique dans lequel Marc Aurèle nous livre son secret, nous livre finalement le type d'existence le mieux à même de nous faire supporter l'existence mortelle. Écoutez le texte. La durée de la vie humaine, un point. Sa substance, fuyante. La sensation, obscure. Le composé corporel dans son ensemble, prompt à pourrir. L'âme, un tourbillon. Le sort, difficile à deviner. La réputation, incertaine. Pour résumer, au total, les choses du corps s'écoulent comme un fleuve. Les choses de l'âme ne sont que songes et fumées. La vie est une guerre et un séjour étranger. La renommée qu'on laisse, un oubli. Qu'est-ce qui peut la faire supporter ? Une seule chose, la philosophie. Elle consiste à garder son démon intérieur à l'abri des outrages. Innocent, supérieur aux plaisirs et aux peines, ne laissant rien au hasard, acceptant les événements et le sort, et surtout, attendant une mort propice à la pensée, puisqu'elle n'est rien que la dissolution des éléments dont tout être vivant se compose. Mais s'il n'y a rien de redoutable, pourquoi craindrait-on le changement et la dissolution totale ? Car c'est conforme à la nature. Or, nul mal n'est conforme à la nature. Et voilà, Jean-Baptiste Gorina, la confirmation de votre choix de vie. Finalement, ce qui nous permet de supporter l'existence, c'est une seule chose, la philosophie. La philosophie. Non, c'est un très beau texte qui résume, je pense, tout ce qu'on a dit dans l'heure qui vient de s'écouler. Et où Marc Aurèle, effectivement... Alors, il y a beaucoup de résonances qu'on n'a pas le temps de voir, mais beaucoup de résonances philosophiques, littéraires, et des allusions à Héraclite, des allusions à des tas de doctrines cosmologiques qui passent très vite, des allusions à l'épicurisme, à l'atomisme, et tout ça. Et cette vision très à la fois poétique et assez désespérée de la vie, contre laquelle il y a effectivement un contrepoint qui est la philosophie, qui est la seule capable d'accompagner l'homme dans sa vie et qui montre effectivement bien le rôle que la philosophie avait pour Marc Aurèle lui-même, c'est-à-dire que ça n'est pas une théorie qui doit permettre d'abord qu'on se contente d'étudier de façon purement théorique, mais ça n'est pas non plus une théorie qui doit permettre de changer le monde. Marc Aurèle n'est pas des philosophes qui veulent changer le monde. Ah non, là, il nous l'a bien dit, il faut apprendre à l'aimer tel qu'il est. Et effectivement, en revanche, la philosophie permet justement pour lui de vivre dans le monde tel qu'il est et d'apprendre à l'aimer et d'apprendre à l'accepter tel qu'il est. Vous le vivez comme ça, votre pratique de la philosophie ? Ah, c'est une autre affaire. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, parce qu'une chose est de le dire, on l'énonce, et puis là aussi c'est un poncif, philosophie d'âme vivre, est-ce que c'est vrai? C'est un poncif, c'est-à-dire que oui, finalement, quand vous faites ça toute votre vie, ça finit quand même par avoir, même si c'est au départ c'est plutôt un objet d'étude théorique pour moi, effectivement ça finit par avoir une espèce d'influence. C'est comme ce que dit Pascal sur la machine, c'est pour la foi. Vous faites d'abord les gestes de la foi et après. C'est en s'agenouillant qu'on peut devenir croyant. Voilà, c'est ça. Et c'est à force de philosopher que sans doute on devient philosophe et qu'on finit par vivre un petit peu aussi les choses de la même manière, oui. Est-ce qu'il y a un paradoxe entre le Marc Aurèle qui incite à se défaire des attributs non essentiels comme la richesse et la gloire, et la postérité qu'est la sienne, qui est quand même une forme de gloire. Marc Aurèle, on n'est même pas sûr que ce soit lui qui ait écrit ses pensées, on ne savait pas qu'il voulait les publier. Et vraiment, c'est la gloire du philosophe. C'est ce que dit Adot dans son livre à un moment. Il cite un passage de Marc Aurèle disant « Bientôt je serai oublié », etc. Il dit « Sur ce point-là, Marc Aurèle s'est trompé ». Et effectivement, mais sa gloire n'était pas tellement due à ses occupations de philosophe, mais c'était une gloire quasi imposée qu'il n'avait pas choisie, qui était ce rôle d'empereur qui en réalité lui pesait. C'est pas ce qu'il aurait voulu faire dans la vie, je crois. Ouais. Il aurait voulu effectivement être philosophe quand il était jeune. Il avait beaucoup inquiété sa mère, justement, parce qu'il vivait en philosophe. Il dormait par terre, etc. Sa mère n'aimait pas ça. Et je suis sûr que sa mère était plus contente qu'il soit empereur et qu'il vive dans l'opulence d'un empereur. Mais c'était pas ce qu'il avait. C'était sûrement pas ce qu'il avait voulu. Et donc, je pense que d'une certaine manière, la postérité et la gloire, c'est quelque chose qu'il a subi plus qu'il ne l'a recherché. Merci beaucoup Jean-Baptiste Gorina d'être venu nous en parler ce matin. Merci à vous. Je renvoie à vos ouvrages sur les stoïciens et l'âme, Chevrin, le stoïcisme, éditions Puf. Vous travaillez à l'achèvement de l'édition Budé de Marc Aurèle, entreprise par Pierre Adot. Exactement. On a hâte de voir le résultat. On passe de la gloire de Marc Aurèle au manteau de gloire de Stéphane Escher. Je croise tes rêves, je croise tes gens. Je croise tes morts et des vivants. On se lève en empotant de la poussière des ossements. Sous les mensonges, sous les tourments, la nuit s'étire, l'ombre s'étend. Petite éponge noyée de sang, ne vois-tu rien venir devant? Qu'est-ce que l'on cherche? Qu'est-ce qu'on apprend? Où sont les pères que l'on tend? Manteau de gloire, manteau d'argent, on va tout nu, pas tous les temps. J'en sens pour boire, j'en sens seulement pour dire le vide qu'on le ressent. Manteau de gloire. Qu'on voit filant entre nos doigts, ni rien pouvant. Sur son mirage va chevauchant chacun de nous, cheveux au vent. Manteau de gloire, manteau d'argent, on va tout nu, pas tous les temps. Chanson pour bois, chanson seulement, pour dire le vide qu'on le ressent. Manteau de gloire, manteau d'argent, on va tout nu, pas tous les temps. Chanson pour voir, chanson seulement, pour dire le vide qu'on le ressent. Manteau de gloire. Du manteau de gloire à l'heure de gloire, aux 2 minutes, aux 4 minutes de gloire de Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. Pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Mais oui, 2 minutes, c'était du temps de 2 minutes papillon. Maintenant, c'est le journal c'est de passé la philo. Tout ça. Vous prenez vos aises et vous nous parlez de soins aujourd'hui. En philosophie, le soin est un champ d'études à part entière. C'est l'éthique du care que l'on trouve tout aussi bien outre-Atlantique, où il a émergé avec les travaux de John Tronto et Carole Gilligan, ou en France avec ceux de Sandra Logier, Fabienne Brugère, Claire Marin et Frédéric Worms, entre autres. Mais au cinéma, le soin rassemble aussi tout un ensemble de films. L'Ordre des médecins, La maladie de Saxe ou encore Hippocrate et Première année du même Thomas Lilti, sans oublier bien sûr le cinéma américain ou toutes les séries médicales. La liste est très longue et nous indique à quel point le soin pourrait être un genre cinématographique à part entière, comme en philosophie donc. Cinéma et philosophie ont ainsi beaucoup à se dire sur ce sujet et c'est cette voie commune que trace le livre de Nicolas Von Arx, paru aux éditions Liber, Santé et maladie au cinéma, l'éclairage des sciences humaines et sociales. Comment la douleur se met-elle en scène? Quel ensemble de gestes, quelle gestuelle la pratique du soin suppose-t-elle? Ou enfin, quel rôle reviennent aux soignés et aux soignants? Cet ouvrage répond en 12 films, j'en ai choisi 3. De quoi souffrez-vous? Oh, bah, attendez que je réfléchisse. Eh ben voilà, quand j'ai dîné, oui, eh ben il y a des fois que je sens comme une espèce de démangeaison ici. Oui. Ça me chatouille, ou bien plutôt, ça me gratouille. Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ah, ça me chatouille. Ben, ça me gratouille bien un peu aussi. Oui. Désignez-moi exactement l'endroit. Par ici. Ah, ici, oui. Quel rôle ont à jouer le soigné et le soignant? La douleur va-t-elle forcément de pair avec une mise en scène? Dans son ouvrage, Nicolas Von Arx a recours au film de 1951 avec Louis Jouvet, Knock, pour révéler comment l'ère scientifique a donné le pouvoir à la médecine et par là même a contribué à créer la figure du malade. Être malade est ainsi devenu, avec l'essor des sciences, un nouvel état, une identité en tant que telle, caractérisée par un certain nombre de traits objectifs, des symptômes, un diagnostic et un traitement, ou des traits subjectifs, des maux, de la douleur, la demande d'un remède et l'espoir de la guérison. Autrement dit, Knock et le cinéma en général nous montrent ce qu'il y a de créé dans le soin, autant par la science que par l'usage. Le rôle que l'on attend d'un patient, se soumettre à l'examen, suivre les instructions ou mettre en scène sa propre douleur, la dire, la jouer, est celui que l'on attend du médecin, un thérapeute, savant, sachant, tout-puissant, capable de déceler une différence entre gratouiller et chatouiller et d'y remédier. Bonjour, je peux avoir une blouse, s'il vous plaît? Vous en avez pas une sans tache? C'est pas des taches, ça, ça a été lavé, c'est des taches propres. Là, t'as l'accueil. Derrière, c'est le bureau des internes. C'est chez toi. 10 chambres, 18 patients. 18? Vous inquiétez pas, c'est notre meilleur interne. Attention, je vais piquer. Alors, cette première semaine? Faut que j'aille pas m'en assurer. Voilà, sois pas trop sûr de toi. Tu commences, tu connais rien pour l'instant. Alors, quand tu sais pas, tu demandes. Ce que le film Knock révélait de manière ironique, un film comme Hippocrate de Thomas Lilti le montre de manière beaucoup plus sérieuse et dramatique. Le soin est un ensemble de gestes que l'on a à effectuer et à apprendre. C'est un dispositif pratique qui lie des soignants à des soignés et inversement. De la même manière que l'acteur intériorise une certaine gestuelle propre à un rôle, le médecin et le patient jouent leur rôle respectif. Mais comment comprendre que le soin ne soit pas pour autant un jeu ni un surjeu? Comment comprendre que ce qu'il y a de créé dans la maladie quand on est soigné ou soignant ne soit pas de la pure invention? C'est ce que montre ce film Hippocrate. L'apprentissage du soin, que ce soit du côté du soignant ou du soigné, n'est ni naturel ni purement construit. Il n'y a pas une seule manière et une bonne manière de soigner ou d'être soigné. Il n'y a que des expériences vécues, que des trajectoires singulières, ce que nous invite à découvrir d'ailleurs chaque film sur le soin. Il a 38 ans. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Pour les médecins, il est fou. Qu'est-ce qui a pu leur faire croire ça? Ça tient pas debout leur truc, franchement. Jack Nicholson et Mac Murphy dans le dernier film de Milos Forman. Croyez-vous en votre fort intérieur que vous soyez mentalement touché? Loin de là, docteur. Excusez-moi, miss. Est-ce qu'il vous serait possible de baisser un peu le disque que vous passez pour que nous puissions parler entre nous? Vous salissez la glace avec vos doigts. Difficile enfin de parler de soins à l'écran sans évoquer ce film mythique de Milos Forman, sorti en 1975, vole au-dessus d'un nid de coucou. Ce film opère ce que le cinéma permet en général, nous ouvrir un monde qui peut nous être étranger, éloigné, inconnu, mais ici d'autant plus qu'il nous convoque dans un univers habituellement clos, fermé, l'asile. Dans son ouvrage, Nicolas Von Arx voit dans ce film une manière de pénétrer dans ce lieu pour le critiquer de l'intérieur et produire une déconstruction de l'institution médicale, qui catégorise les patients en fonction de leur pathologie, qui leur soustrait la notion de plaisir, mais surtout qui enferme soignés et soignants dans la maladie, dans leur rôle justement. C'est peut-être ce que le cinéma nous révèle le mieux du soin ici. Il n'est pas forcément lié à la maladie ni forcément circonscrit à l'institution médicale. Bien au contraire, il peut même être absent de ces lieux et états, car le soin est un type de relation, une manière thérapeutique d'être à l'autre et à soi qui se diffuse bien au-delà des salles d'opération et de cinéma. C'est passionnant, on a plein d'idées de films qui nous viennent en tête. Géraldine, ça donne envie de lire le livre. Le livre de Nicolas Vaunarx, Santé et maladie au cinéma, l'éclairage des sciences humaines et sociales, est paru aux éditions Libère. Merci beaucoup, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Colomba Grossi qui m'a aidé à préparer cette émission avec Elsa Le Saulnier, Isis Jourda, Anaïs Isbert, Lila Bozès, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Alexandre Dang qui était à la prise de son aujourd'hui, Jacques Gamblin à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur les pensées à moi-même de Marc Aurèle. Demain, nous serons en compagnie de Pierre Vesperini qui se demandera comment rester droit quand tout s'effondre, la question stoïcienne par excellence. Il vous répondra demain à 10h, mais d'ici là, pour écouter les émissions précédentes sur Marc Aurèle, c'est possible et c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez sur le support de votre choix. L'équipe des Chemins de la Philosophie vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, où nous attendons vos remarques et commentaires. À demain, 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.